Si vous voulez dire « je l'envoie demain », c'est Lo mando mañana. Lo mando mañana. Et comment direz-vous à usted, hein? Je vous envoie quelque chose demain. Le mando algo mañana. Très bien. Le mando algo mañana. Hein? Algo, quelque chose. Le mando algo mañana. Et je t'envoie quelque chose demain. Te mando algo mañana. Encore une fois. Te mando algo mañana. Un peu plus fluide. Te mando algo mañana. Très bien. Te mando algo mañana. Te mando algo mañana. Et comment direz-vous « je te l'envoie aujourd'hui » ? Te lo mando hoy. Bien. Te lo mando hoy. Ici, c'est comme en français. Le pronom de la personne qui est les destinataires apparaît en premier. Je te l'envoie. Te le. Te lo. Te lo mando. Et pour dire « je te les envoie aujourd'hui », les, c'est los ici. Donc, je te les envoie. Te los mando hoy. C'est ça. Te los mando hoy. Et maintenant, si vous voulez dire à usted, je vous l'envoie ce soir. Le lo mando. Le lo mando. Logiquement, c'est comme ça que ça devrait se dire. Mais il se trouve que la forme le lo a évolué en se lo. C'est-à-dire que le L de le devient S et ça donne donc C. Donc, se lo veut dire vous le. Hein, je vous l'envoie. Se lo mando. La forme le lo n'existe pas. Donc, ici, le C se rapporte au « vous hein, », le « vous » de politesse singulier, « à usted ». Ce « c'est » peut aussi se rapporter à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire à lui ou à elle. Dans ce cas, « se lo mando » voudrait dire « je le lui envoie hein, »,« le lui envoie » à lui ou à elle. Hein, « se lo mando », toujours avec le pronom qui désigne la personne en premier. Donc, je répète, on ne dit pas « le lo mando », mais « se lo mando », « je vous l'envoie hein, » à usted, ou « je le lui envoie » à lui ou à elle. De la même manière, on ne dit pas « les lo mando », mais « se lo mando » pour les mêmes raisons. Donc, se lo mando peut aussi vouloir dire je vous l'envoie a ustedes ou je leur envoie à eux ou à elles au pluriel. Il se passe la même chose quand les ou les est suivi de la, los ou las. Donc, on ne dit pas les la, mais c'est la. On ne dit pas les los, mais c'est los. Et on ne dit pas les las, mais c'est las. À chaque fois que vous avez cette combinaison de deux pronoms commençant par un L, vous remplacez le L de les ou les par un S. Ça donne C. Alors, si vous voulez dire je vous l'envoie, hein, a usted, je vous l'envoie, qu'est-ce que ça serait? Se lo mando. Se lo mando, c'est ça. Hein? Se lo mando. Ce soir, hein? En espagnol, c'est la même chose que cette nuit. Esta noche. Esta noche, en effet. Se lo mando esta noche. Et je vais vous l'envoyer. Hein? Vous vous adressez à usted. Voy a mandárselo. Très bien. Voy a mandárselo. Hein? Mandárselo. Mandárselo. Mandárselo. Hein? Qui s'écrit en un seul mot. Ce sont trois mots. Hein? À la base, c'est trois mots, mais groupés en un seul. Voy a mandárselo. Hein? Je vais vous l'envoyer. Dans mandárselo, c'est peut faire référence à usted, à elle, à ella, à ustedes, à ellos ou à ellas. C'est pourquoi, souvent, pour éviter toute ambiguïté, on précise « voy a mandárselo a usted » ou « à elle » ou « à ella ».« Voy a mandárselo a usted ». Je vais vous l'envoyer à vous. Mais en espagnol, il ne s'agit pas d'une redondance. Hein? A usted sert à préciser de qui l'on parle. Alors, comment direz-vous à quelqu'un que vous vous voyez « Est-ce que vous pouvez me l'envoyer ?» Puede. Puede. Mandármelo. Alors, encore une fois. Puede. Puede. Mandármelo. Bien. Hein? Puede mandármelo. Hein? Mandármelo s'écrit avec un seul mot. Hein? Trois mots groupés en un seul. Mandármelo. Et pouvez-vous, hein, pouvez-vous, usted, pouvez-vous le lui envoyer? Puede. Pue, hein, pue, je voudrais entendre la syllabe accentuée. Ah oui, puede. D'accord, puede, le lui envoyer. Mandar, celo. Encore une fois. Puede. Mandárselo. D'accord. Hein? Mandárselo. C'est le verbe mandar. Et maintenant, vous y ajoutez le celo. Hein? Mandárselo. Puede mandárselo. Et ensuite, hein, si vous voulez, vous pouvez préciser à elle ou à ella. Hein? C'est-à-dire, puede mandárselo a él ou puede mandárselo a ella.